Les masses médias de divers pays du monde ont informé en urgence et simultanément de la décision sur la destitution de Park Geun-hye le 10 courant. L'AP, l'agence de presse Bloomberg des États-Unis, l'agence de presse japonaise Kyodo, la FP, l'agence de presse britannique Reuters, l'agence de presse Shin Nouvelle et autres agences de presse ont rapporté la déclaration de la destitution de Park Geun-hye par le tribunal constitutionnel sud-coréen. La télévision centrale chinoise, la CNN américaine, la BBC britannique, la NHK japonaise ont interrompu leurs informations importantes et régulières pour présenter en émission directe la proclamation de la destitution de Park Geun-hye. La télévision satellitaire Qatari Al Jazeera, la NTV turque, les journaux américains Washington Post, Wall Street Journal et New York Times, les britanniques Guardian, Telegraph et Financial Times ont rapporté aussi la nouvelle de la destitution de Park Geun-hye. Les journaux de divers pays comme Straits Times, singapourien aussi, ont présenté immédiatement la nouvelle de la décision sur la destitution de Park Geun-hye dans leur site internet et le japonais Asahi Shimbun l'a présenté dans une édition spéciale.